ma tonga dan dan dan dan dan. Allez dan dan dan dan dan. Donne-moi ton cœur dan dan dan dan dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras donner la part. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Sur Radio Mix Floor, bienvenue, c'est le Before Dance Floor jusqu'à 21h. Allez, tout de suite, on se fait le top 3 des albums les plus vendus actuellement, les amis. Donc oui, pour le moment, depuis le début du mois de septembre, et oui, les top 3. Je suis pas surpris, voilà, je suis pas surpris parce que c'est le top 1, c'est le grand retour d'une artiste que vous avez connue dans Titanic. Voilà, je vous dis juste des indices. Donc en troisième position, nous avons Claudio Capeo, donc il nous chante ça, les amis. Je sais pas si vous connaissez, il chante ça, donc il est dans le top 3 des meilleurs albums, meilleurs, voilà, qui est actuellement en train de se vendre comme du petit beurre. Il chante ça, écoutez. Merci, voilà, c'est la production qui me font non, il y a rien pour l'instant, ça arrive. C'est pire que tu touches pas à mon poste ici, hein. Il chante ça, les amis, ça vous dit quelque chose? Ah, moi ça me dit quelque chose. Si je m'endors, me réveillez-vous, une fois si froid dehors, ressentez-vous. Et oui, top 3 les amis, il est dans le top 3. Deuxième position, nous avons, alors ça j'arrive jamais à le dire, les amis, le Kid United. Je sais pas si ça se dit comme ça, je vois que la production est en train de rigoler, ça fait plaisir. Donc ils sont en train de, ils chantent ça les amis, ils chantent ça. Il y a des signes d'espoir. Ah là là là là. D'où nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Tout le monde. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en dit sur une chanson Oh là là, on va se faire insulter de pervers ici. En première position, les amis, personnellement, j'adore. Franchement, c'est le nouveau son, c'est Céline Dion. Écoutez, j'adore ce son, les amis. Je vous assure que c'est vrai, quand je déprime, j'écoute ça. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Bienvenue sur Radio Mixler. Et bien plus à tant d'égards. Les sons d'une fleur. Mais quand on vit trop. Les amis, eh oui, c'est le top 1, Céline Dion, les amis, j'adore. Je sais pas si on a le refrain, mais franchement, j'adore. Il est à l'être en cartonné, c'est normal. C'est son retour, voilà, c'est son retour. Hein. Voilà. Ah, ça y est, là, on sent le dance floor arriver, là, ça y est, là, on est bon, là. Voilà, les amis, donc le petit top 3 des albums les meilleures ventes depuis le début du mois de septembre. Et voilà. Cette chanson, je sais pas du tout, j'en ai rien demandé, mais ça fait plaisir, merci. Merci à vous. Donc, on revient juste après ça, les amis. Ils sont contents. C'est pas fini. C'est pas fini. Mets-toi à l'aise. Sors de ton lit. Viens faire la fête. Toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi cette émission, on est déjà mercredi, heureusement que jeudi c'est la dernière, c'est demain, voilà, hein, merci la production. Donc tout de suite on revient juste après ça, on se fera le top 3 des animaux qui ont le plus gros sexe, voilà, je vous en dis pas plus, on revient juste après ça. Non, c'est pas juste après ça les amis, c'est pas juste après ça, je sais pas, il s'amuse, voilà, il s'amuse, il est content, il est payé à me faire chier, ça fait plaisir les amis. On revient juste après ça, ne bougez pas. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça.

Paris. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris avec Magic, Dadju et Darcy. Hey. Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Anywhere you want to go, I follow. De son dance floor. Allez, bienvenue les amis sur le Before Dance Floor, c'est Kev. Tout de suite, on se fait. Voilà, je me suis posé une question. Voilà, avant de préparer l'émission, je me suis fait. Mais putain, mais quel animal a le plus gros sexe? Ouais, c'est une question conne, c'est normal, je suis blond. Donc, d'après vous, les amis, quel animal a le plus gros sexe? Alors, j'ai été surpris. Voilà, j'ai été surpris. Non, vraiment, j'ai été vraiment surpris. Car l'éléphant, j'ai cru que ça allait être le premier, mais non. L'éléphant arrive. En troisième position, voilà. L'éléphant arrive en troisième position. Merci avec le bout d'un chien. On parle d'éléphant, bout de chien, c'est magnifique, j'adore. Voilà, l'éléphant arrive en troisième position avec 1,95 m de pénis en taille adulte. C'est quand même énorme, hein. C'est deux fois la taille de Hal. En top 2, nous avons le tapir. Le tapir, alors je peux pas vous décrire c'est quoi comme animal. Mais vous savez, c'est ceux qui ont un grand nez là, ceux qui mangent les fourmis, je crois en plus, je suis pas sûr. Bref, et en première position, les amis, bah c'est le canard. Voilà, c'est le canard, il dépasse l'éléphant, donc son pénis est en forme de tire-bouchon. J'ai vu ça sur internet. J'ai vu ça sur internet et j'étais surpris, les amis, je vous assure, j'étais surpris. Excusez-moi, il y a le canard justement qui va rentrer dans le studio. Ah, salut, salut, ça. Et vraiment un grand pénis, ce monsieur. En tout cas, bienvenue sur le Bifor Dance Floor. Ah, ils sont contents aujourd'hui, la production, ils sont contents. Voilà. Il fallait que je parle d'animaux pour que ça part en couille, évidemment. Cette émission ne terminera malheureusement pas. Voilà, je vous laisse avec le bout du canard pendant 2 heures. Bienvenue. Non, je plaisante. Allez, bienvenue sur le Bifor Dance Floor. C'est Kev, on est là jusqu'à 21h, les amis. Et. Désolé, excusez-moi, là je suis en train de me baigner tranquille. Non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Allez, on se balance, je sais même plus c'est quoi, voilà, je suis perdu les amis. Je sais plus c'est quoi, on revient juste après ça, ne bougez pas les amis. Ah, Justin Bieber, voilà, Justin Bieber avec Didier Snake. Ne bougez pas les amis, c'est Kev. Jusque 21h, voilà, merci. So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Salut, c'est Tal, t'écoutes mon nouveau son sur Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire. Et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air. Qui nous laisse. Sommes-nous be away. Can't let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find our mission. Some new every year. Oh, le bon son, les amis, ça fait du bien. Bienvenue, c'est le Before Dance Floor, c'est Kev, jusqu'à 21h. Merci. Donc, allez, bah, dédicace à Théo qui nous écoute à Merville. Voilà, il écoute l'émission en rentrant des cours, 20h, 21h, c'est le Before Dance Floor, les amis. Je rappelle, c'est l'émission juste avant la libre antenne. On vous fait découvrir tout et n'importe quoi. Je vous apprends des choses également. Bref, bientôt il y aura des cadeaux aussi à gagner dans le Before Dance Floor. Je vous en dis pas plus. Bienvenue, c'est Kev, jusqu'à 21h. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down, save me, kill me. Sur Radio Mix Floor. We'll be right back. C'est Kev, merci d'être en direct avec nous. On est dans le Before Dance Floor et tout de suite, j'ai envie de vous dire. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. Tout de suite, on va parler, les amis, des plats les plus préférés des Français. Donc, normalement, il doit y avoir un générique qui va arriver. Donc, attendez, j'attends évidemment. Ici, vous savez, on est comme dans Touche pas mon poste. On doit tout le temps se démerder. On doit tout le temps. Voilà, attendre. Voilà, donc normalement, un générique de cuisine va arriver, les amis. Pas de panique, restez si vous voulez aller aux toilettes. Prenez le temps. Ah, voilà. Ceux qui connaissent cette émission, vous parlent. Allez, tout de suite, les amis, les plats les plus préférés des Français. Donc, attention, c'est fait un tip top 3. Et le premier, bah, c'est les fruits de mer. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Donc, les Français préfèrent, en première position, c'est les fruits de mer. Voilà, moi, personnellement, je suis pas fan de fruits de mer. Je sais pas si vous, derrière vos écrans, vous êtes fan des fruits de mer. En tout cas, tout ce qui est crevettes, tout ce qui est moules. Moules, c'est vrai que les moules, c'est vrai que c'est bon, c'est pas mal, les moules. Mais bon, voilà. Je parle bien des fruits de mer. En deuxième position, nous avons le steak frites. Voilà, le steak frites, c'est vrai que ça, c'est 100% français, les amis. C'est bon, c'est simple, c'est bien calorique. Voilà, franchement, c'est bon. Franchement, ça passe. Je suis d'accord avec vous. Dans le top 2, c'est cool. Et en troisième position, nous avons un poulet rôti. Nous avons la poulet, excusez-moi, le bruit derrière des cuisines me fait rigoler, je sais pas pourquoi. Un poulet rôti. un poulet rôti, voilà. Donc, troisième position. Ça fait plaisir en tout cas de voir la production travailler. Cette année, ils travaillent très dur sur les bruitages. Je vois ça. Là, je pense que là c'était la plonge, je suis pas sûr. On fait un signe, non, c'était des frites en train de cuire. Merci, d'accord, ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas. Bon, allez, on revient juste après ça. Ne bougez pas, c'est Kev. Et dans quelques minutes, la libre antenne arrive. Ne bougez surtout pas. Voilà. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4, d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Lartaud. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Lartaud? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, Monsieur Lartaud. Sauf que moi, c'est Sam. Lartaud, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mix Floor. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS Fantôme. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS Fantôme en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. And I'll do anything you want me to. Will you remember?